Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM 107. Voilà, alors aujourd'hui on va parler du nucléaire et de la finance. J'ai trouvé dans la revue Sortir du nucléaire un article particulièrement intéressant qui concerne la collusion des pouvoirs, des lobbies contre la démocratie, et puis l'entente qu'il peut y avoir, bien sûr, enfin, les liens qu'il peut y avoir entre le nucléaire et la finance. Le secteur de la finance et celui de l'énergie nucléaire sont deux piliers du capitalisme français. On le savait déjà depuis de nombreuses années, puisque, bien entendu, c'est déjà l'économie qui a présidé. Et seulement l'économie qui a présidé au choix du tout nucléaire en France. Malgré leurs différences apparentes, c'est-à-dire l'énergie nucléaire et la finance, ils ont de nombreux points communs, à commencer par leur imbrication étroite avec l'appareil d'État, leur dépendance envers le soutien des pouvoirs publics et leur capacité à étouffer les alternatives. À l'occasion du Forum social mondial antinucléaire de novembre 2017, une note publiée conjointement par l'Observatoire des multinationales et Attac France a dressé le portrait de ces deux puissants lobbies qui pèsent de tout leur poids sur la politique française. J'ajouterai par rapport à ça que bien sûr on s'en aperçoit puisqu'on arrive, la France n'arrive pas véritablement à se sortir du nucléaire. Et puis même le choix de Bure pour enfouir des déchets nucléaires est quand même très caractéristique de ce secteur de l'énergie nucléaire. Finance et nucléaire, deux mondes qui semblent, donc à première vue, loin l'un de l'autre. D'un côté, des transactions financières de plus en plus folles et démesurées, qui se joue des frontières et pénètre tous les segments de l'économie. De l'autre, un secteur industriel construit en France, sous l'égide de l'État, dans une perspective de souveraineté énergétique et de puissance militaire. Deux mondes qui pourraient sembler à première vue à part. Et regardez de plus près, pourtant, les points communs entre ces deux secteurs clés du capitalisme français sont nombreux et révélateurs. Nucléaire et finance se caractérisent par une profonde imbrication des intérêts privés et publics au sein de réseaux installés au cœur des institutions. Ces réseaux forment une technostructure qui prétend incarner la grandeur de la France. Tout en étant gouvernés par une logique d'accumulation et de profit. Finance et nucléaire ne survivent en réalité que grâce à des apports massifs d'argent public, tout en déniant les crises à répétition et les risques qu'ils font peser sur l'économie et la société. Ils ont aussi en commun leur capacité à imposer leurs intérêts au pouvoir public, à empêcher tout changement de direction véritable et étouffer les alternatives. On voit en France le retard pris dans les énergies renouvelables. Ce sont enfin deux symboles éminents des échecs et des reniements de la présidence de François Hollande. La loi de, le terme, séparation bancaire de 2013 n'introduit que des changements cosmétiques, malgré les promesses électorales de 2012. La centrale de Fessenheim est encore ouverte en 2017 et encore en 2018. Et la loi de transition énergétique de 2015 est restée totalement muette sur les moyens concrets d'atteindre les objectifs de réduction de la part du nucléaire en France. Aujourd'hui, alors que la France est désormais directement gouvernée par un président de la République ayant fait ses armes dans une banque d'affaires, et un Premier ministre ancien lobbyiste en chef d'Areva. Eh oui, il ne faut pas oublier quand même, on en parle peu, mais qu'Édouard Philippe a donc promu Areva. le besoin d'un changement de direction économique et démocratique est plus urgent que jamais. Bien sûr, c'est peut-être aux électeurs aussi, et puis aux citoyens en général, hein, parce qu'il n'y a pas que le bulletin dans l'urne, de prendre les bonnes décisions, de s'opposer quand même à cette poursuite folle du nucléaire et puis à toute cette spéculation économique qui se passe sur le dos des citoyens avec l'aide de l'État. Alors, j'ai cité l'Observatoire des multinationales, je voudrais y revenir. C'est un site d'information et d'investigation sur les activités des grandes entreprises françaises partout dans le monde et sur leurs impacts sociaux, environnementaux et démocratiques. C'est multinational, d'un seul mot, .org. Voilà, donc, et puis Attaque France, hein, il faut quand même rappeler qui est Attaque, fondée en 1998, présente dans les plus de 40 pays, Attaque est une association qui résiste contre le pouvoir pris par la finance et les multinationales sur les peuples et la nature, et lutte pour la justice sociale et environnementale. Voilà, puisque cet article est inspiré par ces deux associations, hein, puisque c'est quand même des associations. Pour ce qui est Attaque, ben le pour ses coordonnées, c'est france.attaque avec deux .org. Voilà quand même ce qu'il fallait dire par rapport nucléaire et finance. Hein, je ne sais pas si j'apporte quelque chose de nouveau en citant les propos de l'Observatoire des multinationales et d'Attaque France. Hein, pour nombre de nos auditeurs, je suis persuadé qu'ils sont déjà convaincus. Mais quand même, il faut de temps en temps rappeler effectivement le rôle des lobbies, le rôle des multinationales, le rôle de la finance, et puis de l'État par rapport au nucléaire et à la finance. Hein, je crois que tout est imbriqué et que le pouvoir économique nous domine. Et c'est pour ça qu'on n'en finit pas de vouloir sortir ou ne pas sortir du nucléaire. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.